C'est la chronique des Saguenay de Scoutimi avec notre ami Sébastien Morin, le descripteur des matchs du Saguenay. Salut Sébastien! Salut! Sébastien, si on y allait maintenant d'abord avec le défi CIBC, 3000 personnes au centre Georges Vézina, est-ce que ça a convaincu Rutsoff, German Rutsoff de s'en venir? On parlait de Grande Séduction, quasiment comme le film La Grande Séduction. Exactement. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir les commentaires de Rutsoff après le match? Oui, mais les Russes nous avaient averti qu'ils refuseraient tout commentaire concernant sa possible venue avec les Saguenayens, mais on lui a quand même demandé s'il avait apprécié l'ambiance, l'amphithéâtre, le match et tout ça. Il semblait assez satisfait, sauf peut-être du pointage. À un moment donné, le traducteur, qui était le responsable des communications du côté de l'équipe russe, a répondu à la place de Rubtsov. Les journalistes lui ont demandé comment tu as trouvé le match et tout ça. Il dit « look at the score », il dit « regardez le pointage ». Je dis, on n'est pas content, c'est sûr. Ouais. La défaite des Russes qui ont perdu, si tu regardes ça, ils ont perdu 8-1 contre les équipes du Québec. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait, les joueurs de la LHJMQ contre les meilleurs Russes qui devraient représenter en grande partie, je dirais, les Russes au championnat mondial des moins de 20 ans. En fait, c'est impressionnant. Là, c'est dans les grosses performances que j'ai vues dans les dernières années des gens de la LHJMQ. C'est de très bon augure. Est-ce qu'on en aura plus que 4-5 pour équipe Canada Junior au FED, mais ça reste à voir. Ça, c'est seul les gens d'Hockey Canada le savent présentement. On parle de, même si ça pourrait aller jusqu'à 8, hein, puis ça, c'est sans forcer. Là. Samuel Girard, Thomas Chabot, Nicolas Roy, on parle aussi de, Thomas Chabot. Peut-être Bouvier aussi. Bouvier, je pense pas qu'il va revenir les Islanders vont le prêter à l'équipe Canada Junior, ça c'est sûr. Mais on parle de 8, au moins de 8, là. Je les nommerai pas toutes, là, mais 8, évidemment, c'est Dominique Duchamp, l'entraîneur, donc ça va. Joël Bouchard aussi est dans le groupe de direction, dans le groupe décisionnel, donc peut-être que ça peut aider. Puis bon, ben ils ont connu de bonnes performances. Puis cette année, je pense que c'est le noyau de bons joueurs dans la LHJMQ est très relevé. Avec Pierre-Luc Dubois et tout ça aussi qui se rajoute à ce lot-là. Gauthier qui a marqué deux buts exceptionnels dans le match ici au Centre Georges Vézina. Toutes des joueurs qu'on aimerait voir d'ailleurs dans l'alignement des Sags à la période de transaction au fait. J'ai hâte de voir ce qui va se passer d'ailleurs de ce côté-là avec les Sags. Rutsoff, as-tu des nouvelles avant qu'on parle des deux autres matchs? Non. Absolument rien. OK. Parlons maintenant. Danny, c'est un dossier extrêmement complexe. Là. Yannick Jean refuse de me parler à ce sujet-là. Puis je le comprends, c'est compliqué de négocier avec les Russes. On veut pas faire dérailler de quelque façon que ce soit des négociations c'est complexe. C'est pas tendu, ça va très bien. Yannick Jean a une très bonne relation avec Mark Gandler, l'agent de German Rubtsov, qui est le même agent aussi pour Dmitry Zoukhanov et plusieurs joueurs russes dans la LHJMQ. Puis des joueurs, des bons à part ça, là, Abramov et Trenin du côté de Gatineau, c'est le même agent que Rubtsov et Zoukhanov. Yannick Jean entretient une très bonne relation avec lui. L'agent est venu assez frais à Chicoutimi pour faire essayer d'organiser une rencontre entre Rubtsov et Yannick Jean et tout ça, ou du moins qu'il y ait des négociations qui avancent ici pendant que le jeune était de passage, ça donnait bien. Là, il était avec les Russes du côté de Saint-Georges, mais sauf que ça va rester dans le secret des yeux, puis je suis pas au courant de rien. Aucun avancement du dossier de German Rubtsov. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a des dates d'établi. À un moment donné, Yannick Jean va sortir et dire « Rubtsov s'en vient » ou « Rubtsov s'en vient pas ». Puis, connaissant le bonhomme, s'il n'y avait aucune chance que Rubtsov s'en vienne, ça ferait longtemps qu'on le saurait. Yannick Jean, il ne nous bullshittera pas là-dessus. S'il savait, il nous le dirait. Donc, pour l'instant, il y a de l'espoir. Il ne nous dit pas qu'il ne viendra pas. Donc, on se croise les doigts parce que ça deviendrait le deuxième meilleur joueur de la LHJMQ derrière Nicolas Roy. Donc, ce serait parfait. Serge Cloutier a mentionné un autre nom. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Là. À l'émission, c'est quand J. Son nom m'échappe, mais il y aurait... Apparemment, Yannick Jean aurait un autre joueur russe dans sa mire. Là. Il parlait, c'est Serge Cloutier qui disait ça, c'est KJ la semaine passée. Fait que tu n'as-tu entendu parler? Pas beaucoup. Yannick Jean, c'est un autre qui... Mais il y a des bons contacts. Puis, tu te souviens, quand il était arrivé avec les Sags, Et Nikita Liamkin avait subi une blessure à long terme, une déchirure d'un tendon, si je me trompe pas, dans la cheville ou dans le pied. Il avait été chercher un certain Victor Baldaïev qui avait rendu fier service là, comme défenseur vétéran qui jouait quelques matchs dans la KHL. Et ce ne sera pas surprenant que ce soit un joueur de ce type-là. Le joueur là, que le nom m'échappe, que Serge a parlé, ça fitterait, là, ça serait dans les cadres de ce que Yannick Jean pourrait rechercher, advenant le cas où Tsoff dirait non, définitif à venir avec les Saguenayens d'ici la fin de la saison. OK, parlons maintenant des deux matchs. Pas grand-chose à dire, de la manière que je peux voir? En fin de semaine? Ouais, ben écoute, à Québec, ça s'est drôlement bien... À Québec, ça s'est beaucoup mieux passé qu'à Victoriaville. À Victoriaville, c'était une mauvaise journée au bureau. Défaite de 5-2, mais ça aurait pu être beaucoup plus... à beaucoup moins. C'était pas une grosse performance des hommes de Yannick Jean. Puis Yannick en a profité pour lancer quelques messages dans la séance vidéo d'avant-match de dimanche matin avant de partir de l'hôtel de Victoriaville pour se rendre à Québec pour le gros match dimanche après-midi. Deux très grosses premières périodes des hommes de Yannick Jean qui ont sorti extrêmement fort. Il y a eu des joueurs qui ont été surutilisés dans les deux matchs en raison de l'absence de Nicolas Roy. Oui, Nicolas Roy, c'est un rouage très, très, très important de l'organisation des Sags cette année. Quand il manque, ça paraît. Les Sags devront trouver des moyens de gagner en son absence. Il va manquer probablement 3-4 semaines dans 2 semaines à peu près quand il va partir pour le championnat mondial junior avec l'équipe Canada junior. S'il fait le club, il revient autour du 6-7 janvier. Donc, préparez-vous. Ça va être difficile, mais possible, je pense, avec les deux premières périodes qui ont été jouées du côté du Centre Vidéotron. N'eût été de quelques malchances encore en troisième période, puis être un peu plus opportuniste encore à marquer des buts. Tu sais, Ryan Verbeek qui commence à se découvrir des mains, puis tu sais, il n'a pas joué offensif de toute sa carrière junior dans la Ligue de l'Ontario. Mais dans le midget 3A, on m'a dit qu'il avait quand même marqué quelques buts, qu'il était un bon marqueur. Donc, il essaie de trouver ses repères. Puis, ça a débloqué. En fin de semaine, il a marqué 2 gros buts dans les matchs du week-end. Donc, ça, c'est de bon augure. Les Vincent Lapalme, qui a reçu une rondelle à l'entraînement vendredi, s'est cassé 2 dents. A eu, je sais pas combien de points de suture au visage. Là, ça part de la lèvre en bas, puis ça monte presque jusqu'au nez. Et il avait la lèvre enflée d'à peu près 3 pouces d'épais, sans te mentir. Puis il a disputé les deux matchs avec une grille complète, puis il a disputé un excellent match dimanche du côté du Centre Vidéotron. Il y a beaucoup de positifs là-dedans, sauf qu'en troisième période, défensivement, ça a peut-être été un peu plus complexe du côté du Centre Vidéotron. Les Remparts ont été soporifiques dans les deux premières périodes et plutôt très allumés en troisième. Je ne sais pas ce que Philippe Boucher et Marc Fortier, l'ancien Sags, ont pu dire aux joueurs des Remparts pour sortir comme ça en troisième période, mais ils ont été très forts. Ils ont marqué 2 gros buts, entre autres celui du Russe là, ou du Biélorusse Kourachev du côté des Remparts, attendu que Xavier Potvin se couche pour la montée dans le haut du filet. C'était assez spectaculaire. En prolongation, les Sags sont montés à 3-1 au filet. Calumbault a été magistral. Ça aussi, ça a été un facteur, un point tournant dans ce match-là. Et puis, bon, ben, de l'arrêt de Calumbault, on est parti en échappée. Le fils du coach, Mathieu Boucher, qui a déjoué Xavier Potvin et donné la victoire aux Remparts de Québec. C'est un gros point quand même pour les Sags, mais c'est un gros point de perdu aussi, ben si tu regardes ça froidement. Le classement est très serré quand même encore. On est à 3 matchs du côté des Remparts, qui sont 5e et les 2e, là, dans notre division. Et bon, tout est possible encore. Il faudra juste resserrer un peu les choses puis profiter du retour de Nicolas Roy pour le week-end prochain dans l'alignement des Sags. Tu as parlé de Marc Fortier, tu as parlé de Nicolas Roy. Tu sais, Marc, c'est moi un de mes collaborateurs pour le hockey, puis j'y ai parlé en dehors des ondes, puis j'ai demandé, Marc, tu as été critiqué pas mal dans cet échange-là de Nicolas Roy. Puis finalement, quand tu vois Nicolas Roy fonctionner de même, c'est que ça te dit... Ben, moi, il m'a répondu, il dit, quand on juge une transaction à la dernière année du joueur, il dit, normalement, quand le joueur se développe, je regarde la dernière année de Midget 3, puis la dernière année junior, son rendement est censé être semblable. Il peut être aussi dominant l'un dans l'autre. Puis, forcé d'admettre que le temps va donner raison à Marc, hein, puis si jamais les Saguenayens décideraient d'échanger Nicolas Roy, c'est pas impossible non plus. Il va y avoir d'autres. Impossible. Non, ça n'arrivera pas. Okay. Denis, non, je regarde. Il y a un intouchable chez Sags, okay. Là, puis je te le confirme. Nicolas Roy va terminer sa carrière junior. Okay. Écoute, ça va coûter 10 choix de première ronde là, pour Nicolas Roy. Je l'annonce à toutes les équipes. Ouais. Là. Mais Marc a entièrement raison. Ben, au début de la transaction, on n'avait pas le choix de juger qu'elle était trop chère payée, cette transaction, mais au moment où on se parle, elle n'était pas trop chère payée, la transaction de Nicolas Roy. L'affaire là-dedans, c'est que si tu regardes ça, puis tu parles d'échange de Nicolas Roy, d'un, ça, je pense pas, ou ça arrivera pas, je peux presque te le confirmer, là, que Nicolas Roy sera pas échangé au fait. Yannick Jean, ça serait, en tout cas, je pense pas que ça soit son désir de l'échanger à la période des transactions. Nick est un très grand joueur, 3 points par match, joue avec un 16 et un 17 ans sur son trio présentement, pourrait dominer. Écoute, il va jouer dans la Ligue nationale d'ici 2 ans, à peu près certain, Nicolas Roy, à cause de ses aptitudes défensives. Avec l'équipe Canada Junior, va être un excellent joueur, justement, pour des missions, pour contrer les meilleurs joueurs attaque des équipes adverses. Ça va être ça son rôle, je pense, avec l'équipe Canada Junior cette année. Puis la transaction de Marc Fortier, finalement, c'était une bonne transaction, mais au début, 3 choix de première ronde, un choix qui a été échangé pour Loïc Léveillé, qui a eu quand même une bonne carrière junior avec les Eagles du Cap-Breton par la suite. Oui, ça a été cher payé, mais tabarnouche que c'est un bon joueur, Nicolas Roy. Au-delà du joueur de hockey, c'est un bon kid qui continue à étudier très, très fort, même s'il sait que probablement c'est un des joueurs qui a le plus de chances de faire la Ligue nationale de hockey dans l'organisation des Sags présentement. Je ne veux pas enlever des chances à Frédéric Allard, mais Nick Roy a beaucoup plus de chances, je pense, de percer la Ligue nationale que alors pour l'instant. Mais Nick Roy, là, ça va être tout un joueur à voir d'ici la fin de la saison, avec l'équipe Canada Junior au fait, puis avec nous autres jusqu'à la fin de l'année pour sa dernière saison junior. Va en donner pour les partisans qui ont été sévères à son endroit à son arrivée avec les Sags, mais maintenant sont très, très, très derrière le capitaine. Puis c'est entièrement mérité pour le 55 qui a travaillé excessivement fort, puis qui a profité de l'arrivée d'Yannick Jean pour un peu changer son style de jeu, être un peu plus agressif et physique sur la patinoire. Puis ça l'a grandement servi, je pense, pour sa progression. Choix de 4e ronde, les Hurricanes de Caroline. Donc, mais il a quand même eu un contrat comme un choix de 1e ronde dans la Ligue nationale. C'est un vol, ça risque d'être un vol pour les Hurricanes de Caroline. Je pense que Marc Bergevin doit en faire des boutons quand il pense à ça. Ouais. Mais bon. Les Québécois, je sais pas. Les Québécois, en tout cas, des fois, on se pose des questions, puis avec raison. Je veux te parler en terminant de la rumeur lancée sur les ondes de CKJ la semaine passée par un certain Michel Bureau. Ça a fait le tour, vraiment, du Québec. Ça n'a pas été long. L'Armada de Blainville-Boisbriand déménagerait à Saint-Georges-de-Beauce. Est-ce que tu y crois? Moi, j'y crois pas à court terme. Moi, je crois probablement un déménagement de l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais pas à Saint-Georges-de-Beauce. Pour plusieurs raisons. De un, c'est pas, je pense, dans ce genre de marché-là que la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut déménager des concessions ou aller un côté d'expansion, mais je pense pas qu'on va aller du côté de l'expansion. Ça va être difficile, là. Tu sais, j'adore aller à Saint-Georges-de-Beauce. Il y a des endroits très, très sympathiques où il fait bon vivre et prendre quelques consommations, mais d'attirer des super vedettes, d'attirer un German Ruptsov du côté de Saint-Georges-de-Beauce. J'en veux pas à Saint-Georges, là, mais ça va être plus difficile que de l'amener, mettons, du côté de Portland, dans le Maine, où tu comprends, là, tu sais, une décision un peu plus bucolique et pittoresque que Saint-Georges-de-Beauce. Puis l'amphithéâtre est vraiment pas adéquat pour du hockey junior. Je vois pas comment on pourrait investir un 60-70 millions pour construire un nouveau à 5000 places dans une région qui ne nécessite pas un amphithéâtre de 5000 places. Je pense pas que ça va déménager du côté de Saint-Georges. Par contre, l'Armada, c'est pas facile en raison du territoire montréalais. Je ne sais pas pourquoi. Probablement à cause que le Canadien prend trop de place dans l'univers du paysage sportif montréalais. Mais le hockey junior ne fonctionne pas à Montréal. Ça fait plusieurs fois. Je sais. C'est ça qui est bizarre. Oui, mais écoute, dans ce temps-là, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionnait maintenant. Il y a peut-être trop de hockey à la télévision, le trafic, c'est difficile de se déplacer de la couronne nord à la couronne sud à Montréal. Imagine-toi partir de Longueuil pour aller voir un match de hockey junior du côté de Boisbriand. C'est 1h30 de route aller, puis ça va te prendre peut-être 45 minutes de revenir parce qu'il n'y aura pas de trafic. Tu sais, ça, c'est juste pas facile, je dirais, pour du hockey junior maintenant dans la région de Montréal. Pourtant, puis tu le dis, dans le temps, il y en avait 8. Puis à Toronto, dans un rayon de 30 minutes de route, je pense qu'il y a 6 ou 7 concessions de hockey junior. Puis là-bas, ça fonctionne. Il y a peut-être je sais pas, moi, un partenariat, j'ai entendu ça avec le Canadien bon. Dans l'amphithéâtre du côté de Laval. Ça, ça serait pas bête, je pense, de faire une certaine synergie, de profiter des installations, des organisations qui sont déjà en place, les équipes marketing, de travailler pour promouvoir le hockey junior dans la région de Montréal. Puis, ça en prend une équipe à Montréal là, pour des raisons médiatiques, pour des raisons de couverture, pour des raisons de dépisteurs qui, c'est difficile de peut-être de se déplacer en région. Mais d'amener un DG d'une équipe de la Ligue nationale, l'amener à Montréal, c'est plus facile que de l'amener à Chicoutimi. Donc, juste pour ça, ça en prend une ou deux, peut-être même du côté de Montréal. Mais l'Armada, c'est difficile. C'est pas un territoire facile. C'est pas un très gros amphithéâtre non plus. Ils ont des capacités limitées. Au départ, c'était pas bâti pour ça, mais on a réussi à faire quand même de quoi de très potable, je dirais, pour le hockey junior avec beaucoup de loges puis les installations pour la presse aussi quand même adéquates, même si on est un peu restreint, mais c'est quand même bien pour travailler. Tu sais, Joël Bouchard ne pourra pas faire des miracles pendant très, très longtemps. Il travaille beaucoup pour mettre ça, il tient ça à bout de bras avec l'équipe de Québécois, mais c'est une équipe quand même assez réduite du côté de l'Armada. Je vois pas comment ça pourrait survivre bien, bien longtemps. Puis je pense qu'il y a plusieurs concessions dans la Ligue aussi qui aura des examens de conscience à faire sur où on s'en va avec ça. Puis, tu sais, même avec les Sags, tu sais, c'est pas facile, là, les billets depuis le début de la saison. Les Saguenayens ont réussi quand même à sortir la tête de l'eau, mais dans la Ligue, en général, c'est pas facile. Puis, tu sais, l'Armada, oui, pourrait éventuellement déménager, mais certainement pas à Saint-Georges-de-Beauce. Là, moi, je vois beaucoup une synergie avec... c'est très logique, là. C'est Stéphane Leroux qui a lancé ça. Et je trouve ça très logique que Bell achète une concession junior et exploite ça. Parce que la place Bell, il va avoir juste 40 rencontres. Donc, il faut rentabiliser ça. Avec une équipe junior, ça pourrait être, là, ça pourrait avoir de l'allure. J'imagine, par contre, qu'il va y avoir des locations peut-être un peu plus qu'au Centre Bell pour des ligues de garage, des ligues d'adultes, quoi que ce soit dans la place Bell du côté de Laval. Mais oui, ça va prendre un locataire supplémentaire, puis ça serait pas pire que ce soit une équipe de hockey junior supportée en partie par le Canadien de Montréal et sa grosse équipe marketing. Ça pourrait aider la Ligue de hockey junior majeure du Québec, je le pense sincèrement. Tu lui mets un beau chandail du Canadien, c'est sûr que ça va marcher. Pourquoi pas? Le Canadien junior, le Canadien Ligue américaine. En fait, je ne sais pas comment on les appellerait. Là, ça a été trouvé le nom du côté de Laval. Ouais. Mais en tout cas, ça serait quelque chose de très bien de revenir au Canadien junior, peut-être pour l'organisation du Canadien de Montréal. Bravo, puis on s'en parle la semaine prochaine, Sébastien. Salut, Denis. Le descripteur des matchs du Seigneur, Sébastien.